Кость, я не понимаю, что происходит? Они тебя повсюду ищут, разыскивают. Это... Алло, ты почему трубку не берешь? А? Я не понял. Почему трубку не берешь? Я тебе звоню уже который раз. Ты что, скрываешься от меня? Кинуть меня решил, да? Так я тебе не советую, я тебе... J'ai ouvert le bal avec des grenades et un harpon. Je vais tout niquer dans le rap même si j'ai trouvé la bonne. Je vais le payer cher seigneur, désolé d'avoir croqué la pomme. Le plus grand péché que j'ai commis cette année, c'est mon album. Qui veut le carré d'as, enfer ou paradis, non, j'ai pas choisi la classe. Regarde-moi en face, je vais te dire ce qui se passe. Le monde part en couille, j'ai vu des putes au paradise. J'ai beaucoup d'ennemis, mon trigaki. Quand y'a des sous au milieu, gros y'a que des harpies. On débarque en Air 1000, on repart en Air 8. Soldat, regarde à vous, dites-moi je commence par qui. Le chargeur est plein, oh, nous fais pas chier. On est sur le terrain, ben viens nous chercher. Ils croient bien qu'on le craint, je te donne, ne fais rien. RG m'a dit, c'est moi qui prends le péché. Tu crois qu'on est pas capable, ou là, qu'on va te cramer. Tu veux nous faire la guerre, ou là, tu vas pas gagner. Celui qui nous regarde sur la vie, ma mère qui les panne. Et ta part de mes cartes, ma gueule, je ne vais pas t'épargner. Pour toi, réponds-nous vite, ou on prend ta mère à la place. T'inquiète, on est des terres, pour n'importe lequel. Jusqu'à quand t'auras fait, on te lâchera pas comme le daz. Normal, je suis parano, y'a trop de salopes dans le coin. Je te dis pas où je vais, je te rappelle quand tout va bien. Le calibre, il est plein, mais dans le permis, j'ai plus de points. Là, je reviens d'un braquage, B, fais-moi un câlin. Je prépare la vendetta, j'ai dit que j'allais tout gagner, ils me croyaient pas. J'ai tiré sur le tas, j'ai tiré sur mes gars. Je m'occupe de mes amis, mes ennemis, vous inquiétez pas. Tu peux me croiser, on démarque sur le char. Et plus de gentillesse, j'ai misé sur le sang. Et le tracker est posé, tu sais pas que j'arrive. On fera des doigts pour pas que ma chaîne s'enraye. Tu pensais me connaître, t'as tout faux. Ça fait un bail que je suis là, je suis pas un nouveau. Hey, je sais que t'es une salope, mon ami, arrête de faire le nerveux. J't'allume le 1er janvier, oui, j'te souhaite meilleur vœu. J'ai ouvert le bal avec des grenades et un harpon. J'vais tout niquer dans le rap même si j'ai trouvé la bonne. J'vais le payer cher seigneur, désolé d'avoir croqué la pomme. Le plus grand péché que j'ai commis cette année, c'est mon album.